J'avance d'appui dans l'ombre. J'entends les balles qui ricochent dans les rues de ma ville. Mais on me dit que la vie est longue. Minuit plus j'fais les comptes. Et toi fais ce qu'il est compte. Et j'fais du bif à la longue. J'entends les balles qui ricochent dans les rues de ma ville. Mais on me dit que la vie est longue. Minuit plus j'fais les comptes. Et toi fais ce qu'il est compte. Et j'fais du bif à la longue. Fais pas le macro, t'as pas de quoi faire un chrome. J'ai mon fer chromé dans la caisse, j'hésiterai pas mon gros, je veux ma part. Lâche ta bonne à part, tu en perds depuis le berceau. 09 pas coupé, je fais de la pure sur du Bersa. Enterrez-moi vers Poitiers ou Guercif. Les petits ont faim de lever pour que peu deviennent agressifs. J'perds l'appétit, on me dit ma S t'a mincé. Y'a même plus de principe, on s'aime pas en principe. Regardez pas ma part, j'barre au dans Clio, mais si je veux, j'peux acheter 15 abarts. J'suis toujours dans l'appart, le détail à mes côtés. J'ai tout caché chez Hélène, j'ai vu Sarlian qui est d'à côté. Si j't'allume ta mère, la pute, que feras-tu? Si je me perds sur mon chemin, me guideras-tu? Dans des Loki toute la nuit, j'ai vu ce qui filature. Universal Sony, j'ai 2 heures de signature. J'avance tapis dans l'ombre. J'entends les balles qui ricochent dans les rues de ma ville. Mais on me dit que la vie est longue. Minuit plus j'fais les comptes. Et toi fais ce qu'il est compte. Et j'fais du bif à la longue. J'entends les balles qui ricochent dans les rues de ma ville. Mais on me dit que la vie est longue. J'fais les comptes et je dois risquer les comptes. Et je fais du bif à la longue. À force de mourir d'attente, je vais mourir de faim. 48 heures GF, j'ai nié les faits. Éloigner les enfants et les femmes enceintes. Je ressortirai en Louis Vuitton sans lacet. Y'a pas de parchemin que d'embûches parsemées. Sous la rose, y'a des épines, il me faut 100 cas par semaine. La huisse se parle de moi, mais va-t-il assumer? Je demande pas qu'on prenne mes patins, ma S est patinée. La table est ronde, c'est pour que tout le monde soit proche du plat. J'ai des plaies qu'on déplaie elle-même, j'ai pas touché du bois. Je remercie pas assez le bon Dieu comme il se doit. Comme le 13, faut que le 17, j'ai levé mon troisième doigt. Si j't'allume ta mère, la pute, que feras-tu? Si je me perds sur mon chemin, me guideras-tu? Dans des Loki toute la nuit, j'ai vu ce qui filature. Universal Sony, j'ai 2 heures de signature. J'avance tapis dans l'ombre. J'entends les balles qui ricochent dans les rues de ma ville. Mais on me dit que la vie est longue. J'fais les comptes et toi fais ce qu'il est compte. Et j'fais du bif à la longue. J'entends les balles qui ricochent dans les rues de ma ville. Mais on me dit que la vie est longue. Minuit plus j'fais les comptes et toi fais ce qu'il est compte. Et j'fais du bif à la longue.